Le comité préparatoire international et le comité préparatoire coréen pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Paektusan 2017 ont offert le 15 août un banquet pour les participants au 5e festival international en l'honneur des grands hommes Paektusan au Palais de la Culture du Peuple à Pyongyang. Y étaient invités les délégations, les délégués, les personnalités de divers pays et régions et des formations démocratiques internationales qui participent au 5e festival international en l'honneur des grands hommes Paektusan. Y ont pris part Kim Yong-nam, président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, le président d'honneur et co-président du Comité préparatoire international du rendez-vous en l'honneur des grands hommes Paektusan 2017, le président et le vice-président du Comité préparatoire coréen du rendez-vous en l'honneur des grands hommes Paektusan 2017 et les cadres coréens intéressés.